Le fondement de l'islam. Le fondement de l'islam, c'est l'ensemble des connaissances et pratiques dont l'islam dépend pour exister, et donc sans lequel il est impossible d'être musulman ni d'entrer au paradis. Il s'agit donc de deux points. Le premier, la foi en l'unicité d'Allah. Le second, la foi en la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit: ceci est un principe très important que le musulman se doit de connaître. En effet, le principe de l'islam qui permet de faire la différence entre la base de la foi et les adeptes de la mécréance n'est autre que la foi en l'unicité d'Allah et en la prophétie. Le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça veut dire que pour être musulman et croyant, il faut avoir un minimum de connaissances au sujet d'Allah et de sa religion. Il est par exemple impossible d'être musulman et croyant sans savoir qu'il existe un créateur à l'univers. Et si tous les musulmans s'accordent sur ce fait, ils sont aussi d'accord pour dire que le simple fait de savoir qu'Allah est le créateur n'est pas suffisant pour être musulman. Car les mécréants de Quraysh, ainsi que les juifs et les chrétiens, savent qu'Allah est le créateur. Et ils ne sont pourtant pas des musulmans. L'islam peut donc être valide sans savoir qu'Allah est non seulement le seul créateur, mais aussi le seul qui mérite d'être adoré. Le minimum de la foi en Allah, c'est de connaître le minimum de ses noms et attributs, permettant de savoir avec certitude qu'il est le seul et unique créateur de l'univers, et qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et qu'il est le seul et unique à posséder des attributs indiquant le mérite d'être adoré. Par exemple, celui qui ignore qu'Allah crée, il ne peut croire qu'Allah est son Seigneur et qu'il mérite d'être adoré. Et celui qui pense qu'Allah crée mais qu'un autre que lui crée, comme lui ou mieux que lui, il ne sait pas qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Car si quelqu'un pouvait créer comme lui, il mériterait autant que lui d'être adoré. Et ainsi pour tous les attributs d'Allah. Celui qui ignore qu'Allah entend, il ne peut croire qu'Allah mérite d'être appelé et invoqué. Celui qui ignore qu'Allah voit, il ne peut croire qu'Allah mérite d'être adoré, etc. Si Allah n'entendait pas et ne créait pas et ne voyait pas, alors il serait interdit de l'adorer, car c'est en vertu de ses imperfections qu'Allah a interdit d'adorer les idoles. Allah dit, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Allah nous montre que celui qui n'a rien créé des cieux et de la terre ne mérite pas d'être invoqué. Et il dit, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités, qui étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Ici, Allah nous montre que celui qui ne crée pas, et qui n'est pas capable de faire ni de bien ni de mal, ni de donner la vie ni la mort, ne mérite pas d'être adoré. Et il dit, puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité, et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. Quoi? Ne voyait-il pas qu'il, le veau, ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Ici, Allah nous parle que parmi les attributs nécessaires pour mériter l'adoration, la parole. Celui qui pense qu'Allah ne parle pas n'est pas musulman. Et Allah dit, lorsqu'il dit à son père, « Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ?» Et Allah dit, « Et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous ? » Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Ou vous profitent-elles? Ou vous nuisent-elles? Ici, Ibrahim prouva à son peuple leur égarement en leur montrant que leur Dieu n'entende pas, ni ne voit, et ne leur profite pas. Et ainsi nous savons que ce genre d'attributs sont ceux qui prouvent la divinité d'un être, et qu'il est impossible de savoir qu'Allah mérite d'être adoré, sans savoir qu'il possède ses attributs en dehors de tout autre que lui. Car celui qui pense qu'un autre que lui possède les mêmes attributs de la même manière ou mieux que lui, cela signifierait qu'un autre qu'Allah mérite tout autant qu'Allah, ou plus encore que lui d'être adoré. Et il est impossible d'être musulman sans savoir que seul Allah mérite d'être adoré. Ainsi, tous les musulmans s'accordent pour dire que le musulman ne peut être musulman sans savoir qu'Allah est le seul et unique vrai Dieu qui mérite d'être adoré. Et comment un homme qui ignore qu'Allah est son Seigneur serait-il musulman? Ainsi, la foi en l'unicité d'Allah en tant que Seigneur et divinité est le fondement de l'islam. La foi en l'unicité d'Allah, tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed l'ont professé, ont professé le même monothéisme, n'ont jamais divergé dessus, et jamais un prophète n'a eu un monothéisme différent d'un autre. Ibn Taymiyyah dit, l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers et des communautés qui les suivirent. C'est ainsi que nous en a informé Allah dans plus d'un passage de son livre. Il nous en informa pour Nuh, Ibrahim, Israël, alayhi salam, qu'ils furent tous musulmans. Et de même pour ceux qui suivirent Moussa et Isa, alayhi salam, et d'autres qu'eux encore. Et l'islam, ça veut dire se soumettre à Allah et à personne d'autre. Ça veut dire adorer Allah et ne lui associer aucune chose, s'en remettre à lui seul, n'espérer que lui seul, ne craindre que lui seul, et aimer totalement Allah, et n'aimer aucune créature comme Allah, mais au contraire, aimer pour Allah et détester pour Allah, s'unir pour Allah et se séparer pour Allah. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah n'est pas musulman, et celui qui adore Allah et quelque chose d'autre, il n'est pas musulman non plus. Cette foi en l'unicité d'Allah consiste à désavouer le tarout qui désigne les faux dieux, ce qui consiste à abandonner leur adoration, les détester, être convaincu de leur fausseté et de la mécréance de ceux d'entre eux qui sont conscients. Avoir foi en Allah, ce qui consiste à avoir foi qu'Allah possède les pouvoirs, les facultés et les attributs supérieurs à toute la création, faisant de lui le seul qui mérite d'être imploré et le seul qui soit source de protection contre le mal et exaucement du bien et le seul qui mérite d'être adoré. Ne lui attribuer aucune ressemblance aux créatures et aux idoles. Lui nier toute imperfection qui invaliderait sa seigneurie ou sa divinité. L'adorer concrètement et ne pas s'enorgueillir face à son adoration. Celui qui ne remplit pas l'un de ces deux critères n'appartient donc à la religion d'aucun prophète et n'est donc en aucun cas musulman. Et nous notons l'erreur de certaines personnes qui prétendent que la foi en les noms et attributs d'Allah ne fait pas partie du fondement de la religion. Ceci n'est pas absolument vrai. Il y a des noms et des attributs qui sont directement indiqués par le témoignage. Il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. En effet, celui qui ignore qu'Allah est le Créateur, qu'il est le seul qui donne la vie et qui donne la mort, et qu'il est celui qui entend et qui voit mieux que toute créature, et qu'il est plus puissant que toutes ces créatures, et que nulle créature ne peut s'opposer à sa puissance, etc. Tous ces attributs font partie du fondement de la religion sans lequel Allah ne pourrait mériter d'être adoré, vu qu'Allah a reproché aux idoles d'invoquer des êtres qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne leur répondent pas, et qui ne peuvent leur faire ni de bien ni de mal. Puis il y a des noms et des attributs qu'il n'est pas nécessaire de connaître pour pouvoir connaître l'unicité d'Allah en tant que Seigneur et Divinité, mais qu'il est obligatoire d'admettre après avoir eu connaissance qu'Allah les possède. Comme par exemple le fait qu'Allah est au-dessus du trône, qu'il a deux mains, qu'il a un visage, que sa parole est une voix composée de mots et de phrases. Ces attributs-là ne sont pas sous-entendus par le témoignage « il n'y a de vrai Dieu qu'Allah ». C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, en entendant qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, de savoir qu'Allah est au-dessus d'un trône, qu'il a deux mains, que sa parole est une voix composée de mots et de phrases. Ces détails-là ne peuvent être connus qu'à travers des textes qu'Allah révèle à un prophète qui l'envoie, et ce dernier transmet le message. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence entre les attributs qui prouvent en eux-mêmes qu'Allah est le seul et unique Seigneur qui mérite d'être adoré, et entre les attributs qui en soi ne l'indiquent pas. Exemple, ce n'est pas parce qu'Allah a deux mains qu'il mérite d'être adoré, mais c'est parce qu'il a créé toute chose et que toute chose a besoin de lui et qu'il est le seul à définir le bien pour les créatures et à pouvoir les protéger du mal, etc. Le deuxième fondement de l'islam, la foi en la prophétie de Mohammed, ne concerne que la communauté de Mohammed. Au temps de Moussa ou de Isa, personne n'était tenu de suivre l'enseignement de Mohammed. Sa communauté au sens large désigne tout individu vivant sur terre depuis que Mohammed est devenu prophète. Avant que Mohammed ne soit devenu prophète, aucun individu vivant sur la terre n'était tenu de croire en sa prophétie. Cette foi, la prophétie de Mohammed consiste à croire en ce qu'il informe, accepter ses ordres, n'adorer Allah que d'après son enseignement, désavouer quiconque prétend être prophète après lui ainsi que ceux qui le croient. Celui qui ne remplit pas l'un de ces critères après que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit devenu prophète n'appartient pas à la religion de Mohammed et n'est donc pas musulman. Ibn Taymiyyah dit: et l'adoration d'Allah n'est autre qu'obéir à Allah, et ceci s'accomplit en obéissant au messager qu'il envoie. Dès lors, celui qui obéit au messager a en fait obéi à Allah. En effet, tout messager fut envoyé avec une loi, s'y conformer lorsqu'elle est en vigueur. C'est ça l'islam. Par contre, ce qui a été modifié par les créatures, ceci n'est pas l'islam. Et lorsqu'Allah abroge quelque chose, alors ce qui était abrogé n'est plus de l'islam. Comme par exemple lorsqu'il fallait se tourner vers Jérusalem lors des prières, au début de l'exil pendant une dizaine de mois. Puis, il fut ordonné de se tourner vers la Kaaba. Et les deux directions étaient l'islam dans la période où chacune fut en vigueur. Mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n'était plus de l'islam. Seule la direction de la mosquée sacrée devait être prise par celui qui prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle-là, il n'est plus dans la religion de l'islam, car il veut adorer Allah d'une manière qu'Allah n'a pas commandée. Et c'est la même chose concernant toute invention religieuse s'opposant aux ordres du messager d'Allah. Soit c'est une modification apportée de toute pièce par une créature qu'Allah n'a jamais prescrite, soit c'est une chose qu'Allah avait prescrite puis qu'il l'a abrogée, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. Le fondement de la foi en la prophétie de Mohammed consiste en les quatre points mentionnés. Par contre, il n'est pas une condition de connaître tout ce que le prophète a enseigné pour que la foi en sa prophétie se valide. Dès qu'une personne accepte qu'il est le prophète et s'engage à suivre tout ce qu'il apprendra de son enseignement, alors il a concrétisé la foi en sa prophétie, même s'il ignore encore la majorité de ses enseignements. Le fondement de l'islam est donc la doctrine commune à tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed, et la foi en la prophétie de Mohammed. Celui qui ne remplit pas l'un de ces critères ne peut en aucun cas être considéré musulman, même s'il prétend être musulman. Comment savoir ce qui est un fondement de l'islam? Lorsque le Coran et la Sunna indiquent qu'il est nécessaire de connaître ou de pratiquer un enseignement pour pouvoir être musulman, alors c'est un fondement de l'islam. Ibn Taymiyyah dit: certes, les thèmes faisant partie des fondements de la religion qui méritent d'être nommés fondements de la religion, et je veux parler de la religion pour laquelle Allah a envoyé son messager et révélé son livre. Il est interdit de dire que le prophète n'a pas transmis le moindre propos pour l'enseigner. Prétendre cela serait d'ailleurs une parole contradictoire en soi, vu que si un enseignement fait partie des fondements de la religion, c'est qu'elle est fatalement l'une des plus importantes affaires religieuses dont on a besoin dans la religion. Puis lorsqu'on nie que le prophète l'a transmis, cela implique deux choses. Soit que le prophète a négligé les affaires importantes qu'on a besoin et ne les a pas expliquées, ou soit qu'il les a bel et bien expliquées, mais qu'elles n'ont pas été transmises à la communauté musulmane. Or, ces deux thèses sont catégoriquement fausses. C'est même les pires dénigrements que les hypocrites font contre la religion. Puis il dit: et donc tout ce que les gens ont besoin de connaître et de croire et d'admettre de ces thèmes, Allah et son messager les en a exposés de la plus suffisante des manières, afin de couper tout prétexte, vu que ceci est la plus importante chose qu'ait transmis le messager d'Allah, de la transmission évidente, et il l'a certes exposé aux gens. Et ceci est le plus grand sujet sur lequel Allah a établi la preuve à ses serviteurs par le biais des messagers qui l'ont exposé et transmis. Et le livre d'Allah que les compagnons ont transmis, puis ensuite leurs disciples en provenance du messager d'Allah, que ce soit les thèmes ou leur signification, ainsi que la sagesse, qui est la sunna du messager d'Allah, qu'ils ont également transmis depuis le messager d'Allah, tout ceci englobe les fondements de la religion à la perfection. Donc tout enseignement faisant partie du fondement de la religion et sans laquelle on ne peut être musulman doit forcément avoir été indiqué par le Coran et la Sunna de la plus évidente des manières. Celui qui prétend qu'un enseignement ou qu'une pratique fait partie du fondement de la religion et qu'il n'apporte aucune preuve du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des compagnons et de leurs disciples, c'est un hérétique, fourbe et un égaré, menant les autres à l'égarement. Ainsi, nous pouvons savoir que le fondement de l'islam, c'est ce que tous les prophètes ont professé. Allah a dit: et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans leur révéler qu'il n'y a de vrai Dieu que moi, adorez-moi. Et il dit: il vous a légiféré une religion qu'il avait transmise à Noé et que nous t'avons révélé ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les polythéistes leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Et Noé dit: Il m'a été commandé d'être musulman. Et Ibrahim, lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me suis soumis au Seigneur de l'univers ». Et les apôtres de Issa dirent « Nous avons foi en Allah, sois témoin que nous sommes musulmans ». C'est également la première obligation. Lorsque le prophète, alayhissalam, envoya Mu'adh ibn Jabal en mission au Yémen, il lui dit « Tu vas à la rencontre d'un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner de l'unicité d'Allah ». C'est rapporté par le Bukhari Muslim. C'est la première chose que l'on demande à l'homme d'accomplir d'après le hadith. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Rapporté par le Bukhari Muslim. C'est le premier principe que l'islam enseigna. Allah dit, ô toi qui es enveloppé dans les draps, lève-toi et avertis et glorifie la grandeur de ton Seigneur et écarte-toi des souillures. C'est les principes auxquels adhéraient les musulmans à l'ère mécoise et auxquels adhéraient les compagnons qui s'exilèrent en Abyssinie. Et tous les historiens sont d'accord pour dire que le messager d'Allah n'invita qu'au monothéisme lorsqu'il était à la Mecque durant 10 ans. C'est ce qui est détaillé dans les sourates mécoises. C'est ce sur quoi le mort est interrogé dans sa tombe. Il faut rapporter par le Bukhari Muslim que l'homme sera interrogé dans sa tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Cheikh Abdurrahman Ibn Hassan al-Sheikh a dit « Tous les savants anciens et contemporains des compagnons et leurs disciples jusqu'aux imams et l'ensemble des sunnites sont unanimes pour dire qu'un homme ne devient musulman qu'après s'être dépouillé de toute idolâtrie majeure, s'en être totalement séparé, ainsi que de ceux qui la commettent, les avoir détestés et s'être distingué d'eux dans la mesure du possible et de la capacité et d'avoir consacré toutes ses œuvres qu'à Allah. » Comme le rapporte Mu'adh ibn Jabal d'après les deux recueils authentiques, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Ibn Qayyim dit, l'islam c'est l'unicité d'Allah et l'adorer seul et sans associé et avoir foi en Allah et à son messager et le suivre dans ce qu'il a enseigné. Tant que le serviteur n'accomplit pas ceci, il n'est pas musulman. Et s'il n'est pas un mécréant entêté, alors il est un mécréant ignorant. Et donc au pire des cas, cette catégorie appartient au mécréant ignorant et non entêté. Et le fait qu'il ne soit pas entêté n'empêche pas qu'il soit mécréant. Et lorsque le fondement de l'islam disparaît, il n'y a plus d'islam du tout. Que cela soit pour celui qui est capable d'apprendre ou celui qui est incapable. Cheikh Abdel Latif ibn Abdurrahman dit « L'érudit ibn al-Qayyim, rahmahullah, fut catégorique dans son verdict de mécréance sur ceux qui suivent aveuglément leur gourou dans l'impiété alors qu'ils sont capables de rechercher après la vérité et de la connaître mais s'en désintéressent et s'en détournent. Quant à ceux qui ne sont pas capables de prendre connaissance de l'enseignement des messagers, ils entrent, selon lui, dans la catégorie des gens de la rupture, c'est-à-dire ceux à qui aucun message n'est parvenu. Mais aucune des deux catégories ne sont jugées musulmanes et ne rentrent pas sous la nomination de musulmans, même selon ceux qui ne donnent pas le statut de mécréant à certains d'entre eux. Et nous allons citer ces propos. Et pour ce qui est de l'idolâtrie, ils méritent ce nom et ce nom les englobe. Et quel islam peut-il rester chez quelqu'un alors que son fondement même est détruit? Cela montre que sans le fondement de l'islam, il ne reste rien de l'islam. Les points à retenir. Celui qui adore un autre qu'Allah a quitté la religion de tous les prophètes. Celui qui prétend n'adorer qu'Allah sans suivre le prophète Mohammed a quitté la religion de Mohammed et il n'est pas musulman ni monothéiste comme les juifs par exemple. Celui qui prétend n'adorer qu'Allah et croire en la prophétie de Mohammed mais prétend qu'un autre après lui est également prophète et le suit, il n'est pas musulman et n'appartient plus à la religion de Mohammed comme la secte des Ahmadiyya et ceux qui crurent en Moussa Ilama. Celui qui professe une parole ou commet un geste indiquant formellement un mépris envers Allah ou sa religion ou son prophète, il n'est pas musulman. Il n'y a rien qui puisse faire de celui qui ne remplit pas l'un de ces critères un musulman, pas même l'ignorance ni l'erreur. Connaître les enseignements du prophète, ne se rattachant pas à l'unicité d'Allah, n'est pas un fondement de l'islam. Il est donc possible d'être musulman en les ignorant. Le fait de nier qu'un idolâtre soit musulman n'implique pas forcément de faire son takfir, comme nous le montre la parole de Cheikh Abdel Latif.